j'entends crier encore. Ta gorge longue au-dessus du violoncelle, ton ventre rond sous tes bras croisés, ta chair semblable au calcaire, le chat qui passe te regarde et les dieux de marbre qui n'existent que parce qu'on les invente. Vivant, mortel, je suis 51, entier, décapité. Je me déplace dans le bruit que j'entends.